بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد frères et sœurs en islam, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته et bienvenue encore une fois à l'étude de la croyance islamique du livre de l'imam al-Tahawi عليه رحمة الله سبحانه وتبارك وتعالى. Ici nous parle maintenant, on passe à la prochaine section dans laquelle Imam al-Tahawi عليه رحمة الله تعالى nous parle des péchés, les péchés majeurs ainsi que les péchés mineur, الكبائر والصغائر. Il dit: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين. Nous dit que les musulmans de la Ummah du prophète صلى الله عليه وسلم qui ont commis des péchés majeurs, même s'ils n'ont pas fait de tawbah, de repentir pour revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont mourir sans faire leur tawbah, sans faire leur repentir, s'ils vont retrouver Allah subhanahu wa ta'ala, s'ils seront punis par Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont aller en enfer, mais ils ne seront pas en enfer pour l'éternité. Vous comprenez? Un muwahhid, quelqu'un qui est mort sur le monothéisme, sur l'islam. L'islam, ça veut dire ici l'islam auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, zahiran wa batinan, interne et externe, pas l'hypocrite, parle pas de l'hypocrite, parle de celui qui était un musulman mais qui avait quand même les racines de la foi à l'intérieur de son cœur. Une telle personne ne va jamais être éternellement en enfer. S'il a commis des péchés majeurs, il risque sérieusement d'être sévèrement puni par Allah subhanahu wa ta'ala, mais il va finir au paradis en fin de compte. Oui. Oui, on va parler de tout ça, Inch'Allah. On va parler de tout ce qui est nécessaire, Inch'Allah. Première chose, quelle est la définition d'un péché majeur? Ça veut dire comment distinguer entre un péché majeur et entre un péché mineur. Il nous dit, اختلفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْكَبَائِرِ. Il y a divergence entre les savants de l'islam pour ce qui est de la définition et la détermination des péchés majeurs. Il y a combien de péchés majeurs et quels sont ces péchés majeurs? فَقِيلَ سَبْعَةٌ. Certains savants disent qu'il y a 7 péchés majeurs. وَقِيلَ سَبْعَةٌ عَشَرٌ. Il y a des savants qui ont dit qu'il y a 17 péchés majeurs. وَقِيلَ إِنَّهَا إِلَى السَّبْعِينَ أَقْرَبٌ. Il y a des savants qui ont dit que c'est probablement plus près de 70 péchés, qui sont des péchés qui sont majeurs. Alors qu'en réalité, dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, on n'a pas de texte qui nous donne un certain nombre. Donc à la place de parler de nombre, on va plutôt parler de définition. وَقِيلَ مَتَّفَقَتِ الشَّرَائِعُ عَلَى تَحْرِيمِهِ. Regardez, on va prendre opinion par opinion. Selon certains savants, ils disent qu'un péché majeur, c'est tout péché sur lequel tous les messages d'Allah subhanahu wa ta'ala se sont entendus. Que ça, c'est quelque chose qui est interdit. Ça veut dire, si tu vois qu'un péché est interdit dans le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le message de Ibrahim alayhi sallam, le message de Isa alayhi sallam, Moussa alayhi sallam, ainsi de suite, ça veut dire que c'est un péché qui est majeur. Il nous dit, ça c'est faux. Pourquoi? وَالْفِرَارُ مِنَا الزَّحْفُ وَالتَّزْوِيجُ بِبَعْضِ الْمَحَارِمِ وَلَيْسَ مِنَا الْكَبَائِرِ. Il nous dit, c'est parce que ça impliquerait, n'est-ce pas, que par exemple, le fait d'épouser ta sœur, ou bien le fait que quelqu'un épouse, oui c'est ça, sa sœur, ne serait pas un péché qui est majeur. C'est parce que c'était légal au temps de Adam alayhi salam, n'est-ce pas? Au temps de Adam alayhi salam, les premiers enfants de Adam alayhi salam, ce n'est pas interdit pour quelqu'un d'épouser sa propre sœur. Donc est-ce que ça mène à dire que ça c'est pas un péché majeur? C'est parce que c'était pas dans le message de Adam alayhi salam? Non. Donc cette définition-là est une définition qui est fausse, des péchés majeurs. Parce que ça implique aussi de l'autre côté aussi, comme il nous dit ici, أَنَّ الْكَذْبَةَ الْوَاحِدَةَ الْخَفِيفَةَ. Que le petit mensonge comme ça, un petit mensonge léger, serait un péché qui est majeur. C'est parce que le mensonge est interdit par tous les prophètes. Dans la religion de tous les prophètes, le mensonge était interdit. Donc si on va dire que le péché majeur, c'est ce qui était interdit dans le message de tous les prophètes et de tous les messagers, ça implique que même le petit mensonge va être un péché majeur. Ça veut dire si quelqu'un va lui dire par exemple, ah, un frère, on va lui dire, ah, ta chemise elle est belle, tu l'as achetée d'où? Le frère, n'est-ce pas, mettons un frère comme ça, n'y a pas vraiment les moyens, etc. Quelqu'un lui a donné ça comme un don à la mosquée. Il est gêné de le dire. Il va dire, ah, je l'ai acheté chez l'abbé la semaine dernière. Ça, c'est un mensonge, c'est haram. Mais est-ce que ça, c'est un péché majeur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va dire ça, c'est un péché majeur? Non. Voyez-vous donc, malgré que le mensonge en tant que tel, c'est quelque chose qui est interdit dans toutes les législations de tous les prophètes. Donc, ça amène à dire que cette définition-là, elle n'est pas bonne. On doit chercher une autre définition pour les péchés majeurs. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Taï. وقيل الذهاب الأموال والأبدان. Certains savants, ils ont dit non, le péché majeur, c'est tout ce qu'il fait, tout ce qui fait détruire l'argent, ça veut dire les biens, ou la santé physique de la personne. Ça veut dire tout ce qui mène vers la mort, ou bien vers la maladie qui est dangereuse, ou bien vers la perte de richesse. Alors, il nous dit ça aussi, c'est faux. C'est parce que ça impliquerait que qadful muhsanat, n'est-ce pas, accuser une femme chaste de fornication ne serait pas un péché majeur. Ou bien que de boire de l'alcool ne serait pas un péché majeur. Ce qui est faux, parce que ça, c'est des péchés qui sont majeurs. وَقِيلَ كُلُّ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ فَهُوَ كَبِيرًا. Il y a des savants qui ont dit non, non, toute chose que Allah subhanahu wa ta'ala interdite, elle constitue un péché qui est majeur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non, pourquoi non? Parce qu'il n'y aurait plus de péché mineur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a clairement mentionné qu'il y a des péchés majeurs. Ça veut dire qu'il y a des péchés mineurs qu'on appelle al-lamam. Alladhina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal-fawahisha illa al-lamam. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit. Donc ici, il y a les péchés majeurs, le kaba'ir, et il y a al-lamam, ça veut dire les péchés mineurs. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum. Sayyi'atikum. Allah subhanahu wa ta'ala dit que si vous évitez les péchés majeurs qu'on vous a interdits, on va vous pardonner vos sayyi'at. Ça veut dire les sayyi'at ici au sens des péchés mineurs. Oui, d'un côté général, d'un côté spirituel, n'est-ce pas, tous les péchés sont graves. C'est parce que n'importe quel péché, même si un péché qu'on considère nous comme étant grand, est en réalité une désobéissance au Seigneur des cieux et de la terre. Donc c'est quelque chose de grave. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, il a fait en sorte qu'il y ait des péchés qui soient moins graves que lui, moins graves que d'autres. C'est parce qu'auprès de lui, subhanahu wa ta'ala, il a imposé une punition qui est plus sévère pour certains péchés que pour d'autres. Vous comprenez? Non. وَقِيلَ هِيَ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ حَدٌ أَوْ تُوُعِدَ عَلَيْهِ بِالنَّارِ أَوْ اللَّعْنَةِ أَوْ الْغَضَبِ وَهَذَا أَمْثَلُ الْأَقْوَالِ. Il dit que lui, l'imam Ibn Abi al-Izz, rahimahullah ta'ala, il dit, moi, l'opinion que je choisis, que je trouve raisonnable, selon lui, ce qu'il est en train de dire, c'est que les péchés majeurs, c'est n'importe quel péché que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a nommé péché majeur, ou bien que Allah, subhanahu wa ta'ala, a imposé une punition spécifique dans ce bas-monde, comme pour la fornication et pour l'alcool, par exemple, ou bien que Allah, subhanahu wa ta'ala, a mentionné une punition spécifique dans l'au-delà. Que celui qui commet tel péché, il va voir ça et ça et ça dans l'au-delà. Ça veut dire une punition qui est détaillée. Ou bien, n'importe quel péché que Allah subhanahu wa ta'ala a fait, que ce soit la cause de la malédiction. Lu'inu, lu'ina, n'est-ce pas? Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumulla'inun. À chaque fois que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim, ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la malédiction d'Allah soit sur celui qui fait telle et telle et telle chose, et ainsi de suite. Donc ça, c'est l'opinion que l'imam Ibn Abi al-Izz rahimahullahu ta'ala, il a choisi pour ce qui est de la définition d'un péché majeur. Ça veut dire tout ce qui n'est pas ça, c'est un péché mineur. Je vais ajouter une information que l'imam Ibn Abi al-Izz n'a pas mentionnée, mais c'est une autre définition que je trouve importante et que je trouve encore plus sensée que celle-ci, qu'il y a certains ulamas comme l'imam Al-Izz Ibn Abd al-Salam, alayhi rahmatullahi ta'ala, qui l'ont mentionné, c'est que les péchés majeurs sont les péchés que le prophète, alayhi salatu wassalam, a décrit comme étant des péchés majeurs. Ça veut dire qu'il y a des hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit que voilà les péchés majeurs. Voilà al-mubiqat, al-sab'a, les péchés destructeurs, sept, comme la magie, le polythéisme et ainsi de suite. Donc, l'imam Al-Izz ibn Abd al-Salam, il dit que les péchés majeurs, c'est tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit et a qualifié comme étant un péché majeur, ou bien tout péché qui aurait le même, qui causerait le même dégât qu'un péché majeur qui est déjà mentionné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous comprenez? Je vais donner un exemple. Le meurtre, est-ce que c'est un péché majeur? Oui. Le mensonge, est-ce que c'est un péché majeur? Non? Ça dépend. Voyez-vous, ce n'est pas tous les mensonges qui sont sur le même degré. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'exemple du frère qui ment à propos de sa chemise, ça c'est un péché qui est mineur. Mais tu peux avoir un mensonge qui cause le même dégât que le meurtre et qui de ce fait devient un péché qui est majeur. Ça veut dire quelqu'un qui va mentir à propos de quelque chose, n'est-ce pas? En sachant très bien qu'à cause de son mensonge, un crime sera commis. Et une personne va perdre la vie à cause de son mensonge, de son témoignage ou bien autre chose qui est faux. Ça devient un péché qui est grave et qui est majeur, qui rejoint en quelque sorte le crime en tant que tel et l'assassinat en tant que tel. Vous comprenez? Donc ça, c'est l'opinion à laquelle moi, personnellement, j'adhère. Que je trouve la plus sensée, c'est que les péchés majeurs, c'est comme l'imam Al-Izz ibn Abd al-Salam, rahimahullah ta'ala, mentionne, c'est les péchés majeurs que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a mentionné, ou bien tout autre péché qui mènerait aux mêmes conséquences que les péchés majeurs et qui aurait le même degré de gravité et de dégâts en quelque sorte. Est-ce que c'est compris? Non. Le polythéisme, est-ce que c'est un péché majeur? Oui. Quelqu'un, il dit, moi je suis musulman, bon j'aime Allah, subhanahu wa ta'ala, etc. Mais bon, c'est une bonne opportunité pour moi de se faire de l'argent, etc. Je vais aller, n'est-ce pas, dans une secte ou autre chose. J'adhère pas à leurs idées, à leurs croyances, n'est-ce pas? Mais je vais distribuer leurs pamphlets de polythéisme, n'est-ce pas? Parce qu'ils payent bien. Me donne des pamphlets, je sors dehors et je distribue, tout en sachant qu'il y a du polythéisme à l'intérieur. Distribuer des pamphlets en général, est-ce que c'est haram? Des pamphlets en général. Non, ça dépend de ce qui est à l'intérieur. Mais ici, distribuer des pamphlets qui encouragent le polythéisme, ça peut être un péché. C'est un péché majeur, pour ne pas dire que c'est la mécréance. Mais si on va prendre quelque chose de moins grave que ça, pour ne pas tomber dans ce qui est af'al ou mukaffira, un exemple plus clair, n'est-ce pas? Quelqu'un qui va distribuer des pamphlets qui encouragent la fornication ou la consommation d'alcool. Il lui dit, wallah, dans ma vie, j'ai jamais pris une bouteille d'alcool dans mes mains. Jamais j'ai fait ça. A'oudou billah. Mais il va distribuer des pamphlets. Il dit, c'est mon travail, je me fais de l'argent avec ça. N'est-ce pas? C'est un péché majeur. Pourquoi? C'est parce que le dégât est le même que le dégât de boire de l'alcool en tant que tel. Tu n'as pas bu de l'alcool, mais tu viens d'encourager quelqu'un à boire de l'alcool. Tu viens de donner 10 pamphlets, il va y avoir au moins une personne qui va aller suite à ton pamphlet acheter de l'alcool et boire de l'alcool. Non. L'injustice, c'est un péché majeur, ça dépend. Encore une fois, de quelle injustice qu'on parle, n'est-ce pas? Oui. Par exemple, si quelqu'un, il commet une injustice contre quelqu'un de plus faible que lui, contre un orphelin, par exemple, il commet une injustice, il prend son argent, il le maltraite. C'est du cas par cas. Ça veut dire, quelqu'un qui mange l'argent de l'orphelin, ça veut dire qu'il le mange vraiment. Il le mange, comme le prophète Sarasmi a dit, ça c'est l'un des péchés qui sont destructeur, mais quelqu'un qui, une fois dans sa vie, n'est-ce pas, est tuteur d'un orphelin pendant 10 ans jusqu'à ce que l'orphelin devienne pubère, et une fois dans sa vie, comme ça, une fois dans sa vie, n'est-ce pas, muta'awwilan, trouver comme ça une excuse, une explication, n'est-ce pas, il a dit, bon, mon fils aujourd'hui, il a faim, n'est-ce pas, j'ai pas encore reçu ma paye, mon fils il a tellement envie de ce bon plat de viande, etc. Pour aujourd'hui seulement, je vais prendre un 10$ de l'argent de cet orphelin, je vais nourrir mon fils. C'est certain que ça, comme il nous dit ici, que, comme il dit juste avant ça, l'imam Ibn Abi al-Izz, alayhi rahmatullahi ta'ala, il nous mentionne. Attendez, c'est où le... J'avais mentionné juste avant ce même exemple. وَأَنَّ سَرِقَةَ الْحَبَّةِ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ. Oui, quelque chose de très... quelqu'un qui vole un peu quelque chose, ne serait-ce que un grain de l'argent de l'orphelin, ça, ce n'est pas un péché qui est majeur. Donc, si on prend l'exemple de quelqu'un qui vole l'orphelin toujours, donc en tout le temps. Oui, celui qui le fait en constance, ça veut dire celui qui mange l'argent de l'orphelin, qui détruit, il est en train de détruire la fortune de cet orphelin, ça, c'est dans le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça fait partie des sept péchés destructeurs. Wa l'iyadu billahi subhanahu wa ta'ala. J'ai pas compris. Par exemple, quelqu'un il vole l'argent d'un orphelin. Et une personne, elle a l'opportunité d'aider cet orphelin pour qu'il sorte de. C'est-à-dire exemple. Mais il garde aussi. On l'appelle pour témoigner, pour dire qu'il connaît la vérité, que lui il vole l'autre. Il doit le dire, mais il préfère garder le silence. Est-ce qu'il est complice de ce que... Ça, je ne sais pas. Allah, ouais. Je sais pas. Ça, c'est une question de fiqh. Tu nous ramènes ici aux questions de fiqh. On sort un peu de la croyance. Taïb. Hukmu ashab al-kabair. Le sort des personnes qui commettent les péchés majeurs. Quel est leur sort auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà? Nous dit ici wa ahlul kaba'ir min ummati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fi an-nar la yukhalladuna idha matu wa hum wahidun. Comme on l'a mentionné, une personne qui commet un péché majeur ne sera pas en enfer pour l'éternité, n'est-ce pas? Tant qu'il est mort sur le monothéisme, tant que la personne est morte sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si elle n'a pas fait ça, tauba, son repentir. C'est parce que dire qu'elle sera en enfer pour toujours, c'est l'opinion de qui? Et des Mu'tazila. Khawarij et Mu'tazila. Non. وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا تَائِبِينَ لِأَنَّ التَّوْبَةَ لَا خِلَافَ فِي أَنَّهَا تَمْحُو الذُّنُوبُ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي غَيْرِ التَّائِبِينَ. Nous dit ici, bien sûr, nous dit tous les savants de l'islam s'entendent pour dire que celui qui fait le repentir, n'est-ce pas, ne va pas aller en enfer. Quelqu'un qui fait un repentir sincère, qui répond aux conditions du repentir, c'est certain que Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas le punir pour son péché qui est majeur. On parle seulement ici de celui qui n'a pas fait la tauba avant de mourir. Et plus que ça aussi, donc première chose, nous on croit, Ahlu Sunnah, que celui qui commet un péché majeur sans faire de repentir, il ne va pas finir en enfer pour l'éternité, mais malgré qu'il mérite. Écoutez bien ça. Un point très important. Bien, je vais juste finir cette phrase, après ça je reviens à ce point. Un point très important ici qu'on doit comprendre. « وَهُمْ فِي مَشِيئَةِ اللَّهِ وَحُكْمِهِ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ وَعَفَى عَنْهُمْ بِفَضْلِهِ فَصَلَ تَعَالَ بَيْنَ الشِّرْكِ وَغَيْرِهِ لِأَنَّ الشِّرْكَ أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. Donc il nous dit ici que les gens qui commettent des péchés majeurs ne vont pas finir en enfer pour l'éternité. Et avant ça, c'est quoi leur sort? Hein? Quelqu'un qui a commis un péché majeur, on s'entend maintenant, il n'a pas fait sa taouba, on s'entend qu'il ne va pas être en enfer pour l'éternité. Alors, qu'est-ce qui va se passer avant ça? Il va aller en enfer? Toujours? Non. On dit ici, qu'est-ce qu'on dit? Pour être plus précis, on dit que celui qui commet la fornication mérite d'aller en enfer s'il ne fait pas la taouba. On ne dit pas qu'il va aller en enfer, n'est-ce pas? On dit qu'il mérite d'aller en enfer. C'est parce que l'avertissement d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala n'est pas comme la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a al-wa'd, la promesse, ça veut dire pour le bien, pour la récompense, et il y a al-wa'id. Al-wa'id, ça veut dire l'avertissement de la punition, n'est-ce pas? La menace de la punition, ça, Allah subhanahu wa ta'ala va peut-être la renverser pour telle ou bien pour telle autre personne. Il a commis le péché majeur et Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas le punir. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne jamais qu'on lui associe d'autres partenaires. Impossible. Si une personne meurt sur le shirk, n'a pas fait de tauba, sans repentir, Allah subhanahu wa ta'ala ne lui pardonne pas. Ça, c'est impossible. C'est le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est indiscutable. Mais, maduna dhalika, ce qui est moindre que le polythéisme, que la mécréance, Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne pour qui il veut. Donc, peut-être que quelqu'un va désobéir à Allah, on va dire qu'il mérite d'aller en enfer, pas pour l'éternité, pour une période qui est relative à son péché, à la gravité de son péché, mais on ne sait pas. Il mérite, mais peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui pardonner. Ça, c'est pour la menace, al-wa'id, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ce qui est de la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادِ. La promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle n'est jamais renversée. Quand Allah subhanahu wa ta'ala te promet la récompense, tu vas avoir ta récompense. Allah subhanahu wa ta'ala, il est أكرم الأكرمين سبحانه وتبارك وتعالى نعم est-ce que on comprend est-ce que j'ai compris c'est clair très bien écoutez ce qu'il dit après ça il nous reste un peu de charge j'espère qu'on pourra finir cette section elle est très importante inchallah ثم أمر ينبغي التفطن له allez on fait une petite révision de iman ici on revient à notre concept de l'iman quelque chose d'important il nous dit ici à comprendre une réalité importante وهو أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر. Nous dit que le péché majeur pourrait être combiné, pourrait arriver en même temps qu'un certain degré tellement fort de gêne, de tristesse, de regret que auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala il sera un péché mineur. وَأَنَّ الصَّغِيرَةَ وَقَدْ يَقْتَرِنُ بِالصَّغِيرَةِ مِنْ قِلَّةِ الْحَيَاءِ وَعَدَمِ الْمُبَالَاتِ وَتَرْكِ الْخَوْفِ وَالْإِسْتِهَانَةِ بِهَا مَا يُلْحِقُهَا بِالْكَبَائِرِ. Et que le contraire, un péché mineur peut être combiné à tellement d'insouciance et d'absence de crainte et que la personne commet un péché mineur et va dire c'est normal, pas grave, etc. Il n'est pas soucieux de la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce péché mineur-là peut devenir un péché majeur. Voyez-vous que ça vous rappelle quoi? Qu'on avait mentionné la dernière fois? Petite révision, quand on avait parlé de l'bari de Benou Israël qui avait donné à boire à un chien qui était assoiffé, on avait un peu détaillé. Croyance. La sincérité. Donc, on avait dit que la valeur de la bonne action et la gravité de la mauvaise action, pour nous dans ce bas monde, elle est limitée à l'apparence, à l'action en tant que telle. Mais auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est comme, je dis que c'est comme, c'est pour simplifier, c'est pas comme ça. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait le jugement, c'est pas nos formules à nous en tant qu'êtres humains. Mais je dis, c'est pour simplifier seulement les concepts. Je répète que c'est à peu près comme une relation de multiplication. Voyez-vous, entre le danger apparent de l'action en tant que tel, péché majeur ou péché mineur, avec ce qui était à l'intérieur du cœur. Vous comprenez? Donc, le péché majeur, c'est quoi? Péché majeur, ça peut être la fornication, par exemple. Ça, c'est un péché qui est grave, n'est-ce pas? Donc, c'est un moins 1000, mettons. Ça t'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après ça, al-istighfaf, ça veut dire le péché qui était à l'intérieur du cœur, parce que n'importe quel péché, n'est-ce pas, il a une dimension apparente, l'action en tant que telle, et il y a la dimension aussi qui est à l'intérieur du cœur. La dimension qui est à l'intérieur du cœur, peut-être la personne, quand il a commis ce péché majeur, il avait tellement de crainte avant et après, tellement de gêne, il était gêné qu'il vient de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi de suite, que ce coefficient-là interne peut être 0,00001%. Multiplié au moins 1000, ça va faire une punition, ça va le réduire à un péché qui est mineur. Et l'autre qui a commis un péché mineur de moins 10, il avait tellement d'insouciance dans son cœur, il me dit « je m'en fous, c'est pas grave, c'est un péché mineur, je fais aujourd'hui, demain, la semaine prochaine, et ainsi de suite », qu'auprès d'Allah, cette insouciance était 1000. Donc, moins 10 multiplié par 1000, c'est égal à moins 10 000. C'est devenu un péché qui est majeur. Vous comprenez comment ça fonctionne? Les péchés dans ce bas monde, mineurs ou majeurs, c'est comme la pointe de l'iceberg. C'est le danger de l'action en tant que tel. Mais auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il y a plus que ça. Ça veut dire le jour dernier, le jugement est porté aussi sur le sentiment que la personne avait à l'intérieur de son cœur. Et un péché mineur peut devenir majeur et le contraire. Est-ce que c'est clair? Non. Rapidement comme ça, Inch'Allah, on va résumer cette partie-là. C'est une partie qui est importante, Inch'Allah ta'ala, qui est fort intéressante. Une partie qui est pratique, très pratique. فاعل السيئات تسقط عنه عقوبة جهنم بنحو عشرة أسباب عرفت بالاستقراء من الكتاب والسنة. Très important. Les péchés, la personne qui commet des péchés. Encore une fois, on parle ici des péchés qui sont moindres que le polythéisme, que la mécréance. On parle des péchés qui sont moindres que la mécréance. Ces péchés-là, avant d'arriver au feu de l'enfer, il y a environ 10 facteurs qui pourraient éliminer la punition de ces péchés ou bien réduire leur punition. Première chose, on va les mentionner de façon qui est résumée. At-taubatu, le repentir. Si la personne se repent, illa man taba wa aslah, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit. Le repentir efface et c'est le seul recours qui efface tous les péchés incluant le polythéisme. At-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu. Celui qui se repent d'un péché, c'est comme celui qui n'a jamais eu de péché. Bien au contraire, si son repentir est sincère, Allah subhanahu wa ta'ala est tellement généreux et miséricordieux qu'il dit fa'ula'ika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat, que ses péchés peuvent être transformés en bonnes actions. Si le gars il a commis des péchés majeurs pendant 10 ans et qu'un jour il fait une taouba sincère, Allah subhanahu wa ta'ala est tellement généreux que s'il accepte sa taouba, peut-être que ses péchés de 10 années, les péchés, le moins va devenir un plus. Ça va se renverser en des bonnes actions. Voyez-vous, ça c'est la taouba. Après ça, le deuxième facteur, si quelqu'un n'a pas fait la taouba, quelque chose qui pourrait réduire ou bien enlever ça, punition, c'est al-istighfar, le fait de demander le pardon d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. De istighfar, le fait de faire demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'une des choses qui nous protège de la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce bas-monde et dans l'au-delà. Donc ça se peut que quelqu'un n'ait pas fait la taouba, mais il va quand même demander le pardon d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Et s'il est sincère, peut-être que ce istighfar aussi va réduire de sa punition. Oui, mon frère. C'est quoi la différence entre istighfar et tawbah? Istighfar, c'est quand tu demandes talabul ghufran. Tu demandes la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le mal de ton péché, de ton action. Donc, ça se peut que ce n'est pas quelqu'un qui a fait la tawbah. Vous voyez, donc, c'est quelqu'un, il a commis le péché hier, et aujourd'hui, il regrette, mais il n'a pas encore la volonté tellement ferme qu'il va arrêter. En fait, gars, il a un bar, ok? Il vend de l'alcool. Bien sûr, je prends des exemples comme ça extrêmes parce que c'est rare, quelqu'un a un bar, il fait istighfar comme ça. On va prendre des exemples un peu extrêmes. Il a un bar, il vend de l'alcool. Quand tu dis, mon frère, fais la taouba, etc., il te dit, oh Allah, il n'y a pas un autre métier que je peux faire. Ça fait des années que c'est tout ce que je fais. C'est ma seule possibilité pour nourrir ma famille. Qu'est-ce que tu veux? Je sais que ce n'est pas bien. Et le soir, il va rentrer chez lui comme ça, mahmoum, n'est-ce pas? Il est soucieux comme ça, il est triste. Astaghfirullah, qu'Allah me pardonne. Astaghfirullah, astaghfirullah. Mais le lendemain, il revient et il ouvre son bar. Et ainsi de suite. Ça, c'est un istighfar. C'est pas suffisant, mais c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. C'est mieux que celui qui fait et qui est complètement insouciant de son action en tant que tel. Numéro 3, après la taouba et le istighfar. Troisième facteur qui pourrait enlever ou réduire la punition dans l'au-delà. Al-hasanat, les bonnes actions. Inna al-hasanati yudhibna as-sayyi'at. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit. Alors parfois, les bonnes actions font partir les mauvaises actions. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Tu as fait une mauvaise action, fais-la suivre avec une bonne action. Vous comprenez? Donc, encore une fois, le gars il fait du haram, désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, il va dire j'ai pas le courage d'arrêter le haram, mais en parallèle comme ça je vais nourrir des centaines d'orphelins chaque année. Ça peut être une bonne action qui va lui enlever la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les mauvaises actions qu'il avait commis. فإن الحسنات écoutez bien ça بعشر أمثالها والسيئة بمثلها فالويل لمن غلبت أو غلبت أحده عشراته. Il dit c'est parce que la bonne action est multipliée par 10 et la mauvaise action ne compte que pour une mauvaise action. Alors gare à celui qui est incapable de renverser les une mauvaise action avec les 10 multiples d'une hasana. Ça veut dire que c'est tellement facile. Allah subhanahu wa ta'ala nous a tout facilité. Ça veut dire que si quelqu'un a commis 99 péchés et il a fait 10 bonnes actions, il a plus de bonnes actions que de péchés. Vous comprenez? Numéro 4. Al-masa'ibu ad-dunyawiyya. Les épreuves. Les catastrophes dans ce bas monde. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit dans le hadith, ma yusibu al-mu'mina min wasabin wala nasabin wala ghammin wala hammin wala hazanin hatta shawka yushakuha ou comme a dit alayhi sallallahu alayhi wa sallam illa kuffira biha min khatayah ou kaffara biha min khatayah ou comme a dit alayhi as-salatu wassalam. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le croyant à chaque fois qu'il passe par une épreuve, même la simple tristesse, même le simple souci purifie de nos péchés. N'est-ce pas? Il purifie de nos péchés. Ça veut dire quand Allah subhanahu wa ta'ala, il aime quelqu'un, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il va l'éprouver. Yusib minhu. Il va l'éprouver pourquoi? Pour lui faire éviter la punition dans l'au-delà. Il va le punir dans ce bas monde. Même, il te dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même la simple aiguille comme ça qui te pique, simple piqûre comme ça, ça, ça te fait réduire de tes péchés. Donc la prochaine fois que tu te fais piquer par quelque chose, à la place de crier, de dire « Ah, c'est quoi ça ?» N'est-ce pas? Tu dis « Ah, alhamdoulilah. » Ça, c'était peut-être une punition dans les feux de l'enfer que Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné, maintenant avec une aiguille. C'est meilleur que pour moi que d'entrer en enfer. Wal'iyadu billahi subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Écoutez bien ça, qu'est-ce qu'il dit après ça? فَالْمَصَائِبُ نَفْسُهَا مُكَفِّرَةٌ وَبِالصَّبْرِ عَلَيْهَا يُثَابُ الْعَبْدُ وَبِالسَّخَطِ يَأْثَمُ وَالسَّخَطُ أَمْرٌ آخَرُ غَيْرُ الْمُصِيبَةِ فَالْمُصِيبَةُ مِنْ فِعْلِ اللَّهِ لَا مِنْ فِعْلِ الْعَبْدُ وَهِيَ جَزَاءُ مِنَ اللَّهِ لِلْعَبْدِ عَلَى ذَنْبِهِ وَيُكَفِّرُ ذَنْبَهُ. Les gens ils posent beaucoup cette question, est-ce que quand Allah subhanahu wa ta'ala m'éprouve, est-ce que c'est une punition ou bien c'est une épreuve pour moi, pour élever mon degré? Ça peut être les deux en même temps. Voyez-vous? C'est une punition, mais c'est aussi une opportunité pour que ton rang va augmenter auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment? Écoutez bien ce qu'il dit ici. Important à comprendre. Ça, ce qu'on appelle, c'est ça le vrai business, n'est-ce pas? Ça, comment tu sais faire le business? C'est pas quand tu fais vendre, n'est-ce pas, et acheter, etc. Ça, c'est le business de la dunya. Ça, c'est le vrai business. Que tu sais faire la tijara de Al-akhira. Tu sais comment est-ce que les choses fonctionnent pour gagner dans ton au-delà auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il te dit ici, et c'est très précis, l'épreuve en tant que telle, tu tombes malade. L'épreuve en tant que telle, en elle-même, elle te purifie de tes actions. C'est une punition. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Après ça, si tu es patient, la patience, ce n'est pas pour te purifier de tes péchés, la patience c'est pour te faire gagner des récompenses. Voyez-vous? Je répète, l'épreuve comme la maladie en elle-même, elle te purifie de tes péchés. Ta patience après ça, lors de la maladie, va te faire gagner des hasanat. Donc c'est une punition d'un côté parce que c'est pour te purifier de tes péchés et c'est une opportunité pour élever ton rang, pour être passons à avoir plus de hasanat. Vous comprenez? Non. Numéro 5. عذاب القبر. La punition de la tombe qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Ça, c'est une autre chose. Quelqu'un qui est mort dans ce bas-monde, avec tout ça, taouba, istighfar, n'est-ce pas, les épreuves, etc. Malgré tout ça, il n'a pas été purifié dans ce bas-monde de ses péchés. Allah subhanahu wa ta'ala va peut-être le punir dans sa tombe pour le purifier de ses péchés encore une fois. Numéro 6. Du'a'ul mu'minina wa istighfaruhum lahu fil hayati wa ba'da al-mamat. Le du'a des autres croyants. Ça peut être aussi le du'a des anges, comme c'est mentionné dans le Coran, Al-Karim, pour l'un de leurs frères, n'est-ce pas? Qu'il soit vivant ou bien qu'il soit mort. Un frère en Allah qui est pieux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait qiyamul layl, qui a son khushu' dans son sujoud, qui mange le halal et ainsi de suite. Ça veut dire qu'il a les conditions regroupées pour que son du'a soit exaucé et répondu par Allah subhanahu wa ta'ala. Il t'aime en Allah, tu lui as fait du bien, tu l'as aidé vers le bien, ainsi de suite. Il va demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pour toi, dans son sujoud. Peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te pardonner. Que tu sois vivant ou bien que tu sois mort, comme lors de ta janaza, lors de ta mort, ta prière de funérailles, n'est-ce pas? C'est pour ça ici l'importance, encore une fois, rappelez-vous de al-dahir, de al-dahir, l'apparent, n'est-ce pas? Ne me dis pas... Ne me juge pas, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de mon cœur. Je ne t'ai pas jugé, n'est-ce pas? Mais en faisant du mal, tu ne fais du mal qu'à toi-même. C'est parce que quelqu'un qui était connu tout au long de sa vie comme étant un criminel, le jour où il va mourir, quel est le nombre de personnes qui seront tellement intéressées à venir à sa janaza et prier comme ça avec sincérité? Ce n'est pas comme quelqu'un que les gens voyaient toujours à la mosquée, il faisait le bien, etc. Les gens vont prier pour lui de façon qui est sincère. Les gens l'aiment en Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Numéro 7. Ma yuhda ilayhi ba'da al-mawti min thawabi sadaqatin aw qira'atin aw hajjin wa nahwi dhalik. Numéro 7, c'est après ta mort, les bonnes actions qui te seront offertes par tes frères en islam. Comme si quelqu'un, mettons ton fils, ton oncle, ton voisin, toi tu meurs. Il va dire, bon, je vais faire une sadaqa aujourd'hui, je vais faire un acte de charité, je vais construire une mosquée pour toi. Mon intention, c'est de le faire pour toi, pas pour moi-même, n'est-ce pas? Allah subhanahu wa ta'ala va l'accepter et peut-être que ça va être une chose qui va te purifier de tes péchés, même si tu es dans ta tombe. Il va dire, je vais faire le hajj pour toi, je vais faire un hajj pour mon frère. Moi, j'ai déjà fait mon hajj, n'est-ce pas? Je vais faire mon hajj pour mon oncle qui est décédé l'année passée. Pour qu'il prenne la récompense. Je vais lire un peu de Coran pour ma mère qui est décédée le mois dernier. Je ne veux pas que quelqu'un me pose des questions sur ça, parce qu'on va avoir toute une section sur ça, Inch'Allah. Sur c'est quand qu'on peut offrir les bonnes actions et ainsi de suite. Donc je ne veux pas précipiter les détails, surtout qu'on n'a pas beaucoup de temps. Numéro 8. Ahwalu yawmil qiyamati wa shada'iduhu. C'est les agonies du jour dernier. Ça veut dire tous à regarder, subhanallah, pour comprendre c'est quoi le danger de l'enfer qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Tout ça, c'est avant l'enfer. Ça veut dire tout ça, c'est pour nous préserver de l'enfer. Les agonies du jour dernier, quand les gens vont être dans l'attente, n'est-ce pas, ils vont être debout comme ça pendant des années à attendre le jugement dernier, et que ceux qui ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, le soleil va se rapprocher d'eux, ils ne seront pas couverts par l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ainsi de suite, ul'iyadu billah, ça purifie la personne aussi de ses péché et de la désobéissance d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Numéro 9, le qisas. Est-ce que vous savez c'est quoi le qisas? La loi du talion. La loi du talion, mais qui sera appliquée le jour dernier, pas la loi du talion dans ce bas-monde. Ok? Parce qu'en passant, la loi du talion dans ce bas-monde et toutes les hudoud en général, n'est-ce pas les punitions dans ce bas-monde, comme la punition pour la fornication, pour le crime et ainsi de suite, ça rentre dans les masa'ib. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a clairement enseigné dans les hadiths que les ulama ils disent al-hudud kaffara. Celui qui est puni dans ce bas-monde, mettant pour la fornication, ne sera pas puni dans l'au-delà. C'est sa punition qu'il a eue dans ce bas-monde et c'est fini. Mais le jour dernier, il va y avoir aussi ba'd al-qantara. Une fois que les croyants vont passer le pont, avant d'entrer au paradis, il va y avoir aussi le qisas. Ah, toi, tu as fait du mal à ton frère. Toi, tu as insulté ton frère, alors il va prendre de tes bonnes actions. Si tu n'as plus de bonnes actions, tu vas prendre de ses péchés. Ça veut dire justice sera faite. Après ça, shafa'atu ash-shafi'in, l'intercession. L'intercession, que ce soit l'intercession des prophètes en général, alayhim as-salatu was-salam, et l'élu d'entre eux, bien sûr, c'est l'intercession du prophète alayhi salatu wassalam lui-même. Ça peut être l'intercession des shufa'a, des gens pieux, des martyrs. N'est-ce pas, le martyr va faire l'intercession pour des personnes de sa famille, de ses proches, n'est-ce pas? Et après ça, il nous dit ici, « Afu arhamir rahimina min ghayri shafa'atin ». Il y a aussi des personnes qui n'auront rien de tout ça, mais qui auront le grand, la grande opportunité d'avoir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui va intercéder pour eux ni rien du tout. Allah subhanahu wa ta'ala va pardonner pour ces personnes-là. Et il y a des personnes, wal'iyadu billah, que toutes ces choses-là ne seront pas suffisantes, bien ne vont pas arriver, bien surtout pour les choses qu'on a mentionnées au début, ça veut dire la punition de la tombe et ainsi de suite, et qui vont devoir entrer en enfer, wal'iyadu billahi ta'ala, pour être purifiés de leurs péchés avant d'entrer au paradis. Et ça, c'est seulement pour les monothéistes. Innahu ma yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Celui qui commet le polythéisme, yushriku ma Allah subhanahu wa ta'ala, qui associe d'autres partenaires avec Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit clairement dans le Coran Karim, Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit le paradis et il va finir en enfer. Wal'iyadu billahi ta'ala. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. Non, parce que toute mauvaise action, tout péché qui touche aux droits des créatures, la taouba doit inclure aussi le fait de restituer les biens et le droit dans ce bas monde. C'est pour ça que dans ce bas monde, c'est mieux de restituer le tout dans ce bas monde avant de devoir faire face aux conséquences le jour dernier. Celui qui a insulté son frère, il va dans ce bas monde et lui demande de lui pardonne. Une fois qu'il te dit je te pardonne, khalas. Après ça, fais ta tauba entre toi et entre Allah subhanahu wa ta'ala et c'est fini. Oui. Par rapport à ça, il y a des frères qui ont commis plein de fautes dans leur vie. Ils veulent faire la tauba, mais ils savent que la quatrième condition que vous venez de nommer. Après, tu me réponds, Inch'Allah, après le cours, Inch'Allah. Parce que sinon, on va entrer dans des questions plus de jurisprudence qui ne sont pas directement reliées avec le aqidah. Oui, mon frère. Numéro 7, vous avez dit après la mort, les bonnes actions qu'on fera pour un mort qui est parti. Ça, est-ce qu'on va être récompensé également? Oui, bien sûr, c'est certain. Oui, Allah subhanahu wa ta'ala akramul akramin. Si quelqu'un il fait une bonne action qu'il offre à quelqu'un d'autre, la récompense pour l'action en tant que telle va aller à l'autre personne, mais Allah subhanahu wa ta'ala va te récompenser quand même pour l'initiative que tu as prise. Donc, oui, c'est ça. Ça fait partie des hasanats, des bonnes actions. Non. Est-ce qu'on peut positionner la personne qui a un atome d'orgueil dans ce qu'on a dit aujourd'hui? L'orgueil, si c'est de l'orgueil régulier, ça veut dire pas l'orgueil qui mène vers le kufr billah azza wa jal, alors l'orgueil ici, ça devient un péché qui est majeur. C'est un péché qui est majeur. Ouais, j'ai une question. Quand on fait un mal autrui, mais c'est un kufr, il faut demander pardon pareil. Hein. Oui, la même chose. La même chose. Quand tu as commis une injustice, même envers un mécréant, le jour dernier, même le mécréant va réclamer son droit. Alors il va dire, vu que moi je n'ai pas de hasanat, je veux que Ya Allah prend certaines de mes sayyat et tu le donnes à cette personne-là. Non. Oui. Allahu ta'ala a'lam. Allahu ta'ala. Les détails, on ne sait pas comment. Encore une fois, ça fait partie du monde de l'invisible. À chaque fois qu'on parle du monde de l'invisible, on se limite au texte, ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé à travers le Coran ou bien la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce n'est pas tout qui est détaillé. Ça veut dire qu'il y a d'autres choses qui vont arriver le jour dernier qu'on n'a pas dans les textes. Non. Oui. Une question très importante. C'est, puis pour les personnes qu'on a oubliées et qu'on a fait du mal sur eux, qu'est-ce qu'on fait avec? Tu dois faire la tawba qui est générale. Tu fais la tawba qui est générale. Et si tu es sincère, tu fais de ton mieux pour restituer les biens. Allah subhanahu wa ta'ala va les faire satisfaire pour toi le jour dernier. Ok, je fais tawba vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala. Exactement. Malgré que j'ai oublié à qui j'ai fait du mal. Oui, tu fais de ton mieux. Tu fais de ton mieux. Tu essayes de connaître c'est qui ces personnes à qui tu as fait du mal. Tu essaies de leur retourner le droit. Si tu ne peux pas, si Allah subhanahu wa ta'ala, il sait que tu es sincère, comme c'est mentionné dans certains textes, Allah subhanahu wa ta'ala va les rembourser pour toi le jour dernier, va les faire satisfaire. Si c'est des croyants, Allah subhanahu wa ta'ala va leur dire, est-ce que vous acceptez de le pardonner et j'élève votre rang dans le paradis, ou bien je réduis de votre punition. Voyez comme ça. Deux dernières questions, inchallah, parce qu'on a... Oui. Si quelqu'un, par exemple, il a une dette envers une entreprise dans un autre pays, il va plus revenir à ce pays. Il doit faire le tant mieux, il doit restituer quand même le droit. Le fait qu'il ne va plus revenir à ce pays ne l'empêche pas de donner la responsabilité à une tierce personne qui va porter la responsabilité de... Yani, fattakullah mastata. On ne veut pas parler du cas par cas parce que ça devient ici, comme j'ai dit, des questions plus de jurisprudence de faire. On veut parler des principes généraux. Nah, oui. Si on a l'intention de faire la sadaqa après ça? Oui. Oui, oui, c'est tout à fait valide. Faire la sadaqa, donner la sadaqa, un acte de charité, un don, avec l'intention de l'offrir à une personne qui est décédée, si elle est croyante, bien sûr. C'est ça la condition. Allah subhanahu wa ta'ala va l'accepter. À des personnes qui veulent donner mais qui ne peuvent pas donner. La personne elle-même, si moi, mettons, moi, je veux donner une sadaqa, pour mon intention, c'est pour quelqu'un qui est déjà décédé, un frère qui est déjà décédé. Je voudrais le faire, mais je n'ai pas d'argent, je suis pauvre. Allah subhanahu wa ta'ala va me récompenser, moi, pour mon intention. Mais la sadaqa n'a pas été faite. Ça veut dire que l'autre personne ne va rien recevoir. Je peux emprunter de l'argent, si je suis vraiment sincère, et donner la sadaqa. Comme ça, il va avoir sa récompense et après ça, je rembourse cet argent. Exactement, exactement. C'est parce que innamal a'mal ou binniyat, les intentions peuvent nous rapporter des récompenses, mais seulement pour nous-mêmes. Sinon, si moi j'ai l'intention de lui faire du bien et que lui fasse du bien, etc., si seulement avec mon intention tout le monde va être récompensé, ça. Ça va plus jamais finir. Oui. Non, l'invocation de l'opprimé, c'est pour dunya et pour akhira. C'est pour les deux. Allah subhanahu wa ta'ala peut donner la punition pour un oppresseur dans ce bas monde ou bien lui laisser la punition pour l'au-delà. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.